Joseph Sabiyabandi. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à ce journal. De grenades ont explosé hier soir tout près de l'école française dans le quartier Lohero 2. La police indique que ces deux grenades ont été lancées par des bandits dans une tentative de vol. Lancement ce samedi à Bujumbura des activités sportives organisées par la communauté de l'Afrique de l'Est. Le conseiller principal en communication du président de la République, l'ambassadeur Willy Nyamitwe, indique que ces activités sont organisées parce que la paix règne au Burundi. Début du mois de Ramadan, ce samedi, selon les responsables musulmans, c'est le mois durant lequel on se prive de la nourriture pendant la journée. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Deux grenades ont explosé à l'école française et dans le quartier Lohero 2, dans la commune urbaine de Mukaza. Selon le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, les deux grenades ont été lancées par deux voleurs lors d'une tentative de vol à cette école. Pierre Houliquier indique que ces voleurs ont lancé ces deux grenades dans le but d'empêcher leur arrestation après avoir échoué dans leur mission de vol. Ces deux voleurs ont finalement été arrêtés et l'un d'eux avait été blessé par des éclats, selon toujours des sources policières. Toujours sur la page sécurité, des armes et munitions ont été saisies par la police en patrouille sur la colline Rudende. Nous sommes en commune Rutana le matin de ce samedi. Trois personnes qui les transportaient dans un sac sont parvenues à se sauver, selon le commissaire provincial de la police à Bururi, Jean-Pierre Misago, correspondance. Un fusil de type Kalachnikov, un tromblon lance-grenade, deux streams, six chargeurs contenant 155 cartouches, telles sont les armes et munitions saisies sur trois hommes habillés en tenue civile noire sur la RN7 vers 3h30 du matin de ce samedi, selon des sources sur place confirmées par la police à Bururi. Thomas Ndikumazambo, habitant près de cette route goudronnée, dit avoir entendu des gens qui passaient de Matana vers Boutoué et est sorti, machette et gourdin à la main, croyant qu'il allait attraper des voleurs de ménage, comme il en avait l'habitude ces derniers jours. C'est après avoir attaqué au gourdin le premier que quelque chose emballé dans un sac en plastique est tombé par terre et a remarqué que ce n'était pas de simples bandits et Thomas a crié au secours. Constatant qu'ils allaient être attrapés, ils ont pris le large, laissant sur place les petits sacs qu'ils avaient. Dès son arrivée sur place, la police a dépouillé ses sacs et y a trouvé ses armes et munitions. Mais un quatrième membre de ce groupe, qui les avait devancés, est parti avec tout ce qu'il avait sur lui, précise Thomas Ndikumazambo. Jusqu'à présent, l'on ignore encore l'identité de ce groupe que la police à Bururi dit rechercher activement. Jean-Pierre Misago depuis Bururi. Radio Isanganiro. La paix et la sécurité règnent au Burundi malgré des faux rapports qui sont propagés par certains, arguant que la situation est alarmante dans le pays. Propos du conseiller principal chargé de la communication à la présidence de la République ce samedi, lors du lancement des activités sportives organisées à Bujumbura par les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est dans l'optique de promouvoir la cohésion sociale. Willy Nyamitwe appelle aux Burundais, toujours en exil, de regagner leur pays. On l'écoute, il est au micro d'Evariste Nzikobanyanga. C'est un message qu'au Burundi, il y a la paix, qu'au Burundi, il y a la sécurité. C'est un message pour dire au monde que ce que les gens ont toujours vu propagé par certains détracteurs du Burundi est faux. Sur terrain, la paix règne. Sur terrain, la sécurité est là. La réalité est qu'au Burundi, nous sommes un peuple qui essaie d'avancer, qui lutte contre la pauvreté, qui maintient sa sécurité, qui maintient sa paix et qui ne veut pas renouer avec le passé douloureux, mais qui veut aller de l'avant dans le sens du renforcement de sa cohésion sociale et de la paix retrouvée. On a vu la participation des ambassadeurs, quelle est la signification de cette présence? Certains d'entre eux ont toujours été clairs à travers leurs interviews dans certains médias qu'ils sont en sécurité dans notre pays. Ils ont toujours dit que le Burundi est un pays en paix, contrairement à ce qui était dit à l'étranger. Alors que des particuliers organisent un événement pour chanter la paix, pour célébrer la paix, Eh bien, ces particuliers doivent être soutenus par tous ceux qui sont épris d'OP, en commençant par le gouvernement, mais également par ceux qui représentent leur pays dans notre pays. Quel est le message que vous lancez à ceux-là qui doutent toujours de la sécurité? Que tout simplement, le Burundi qu'ils connaissent ou qu'ils ont connu dans le temps, il y a 2 ans, à travers les réseaux sociaux, ce n'est pas le Burundi d'aujourd'hui, ce n'est pas le Burundi dans lequel nous vivons. Et j'en profite d'ailleurs pour lancer un appel aux Burundais qui sont en train de souffrir à l'étranger, aux réfugiés burundais, qu'ils rentrent. Il y en a qui ont commencé, il y a beaucoup qui sont rentrés et qui sont en train de savourer la paix avec nous, mais que d'autres aussi rentrent dans leur pays. Il n'y a pas mieux que chez soi. Isanganiro. Sur la page Société, début ce samedi du mois de Ramadan selon le calendrier arabe. Pendant ce mois, tous les musulmans doivent se priver de la nourriture pendant la journée et tout ce qui est divertissant. L'un des leaders de la communauté islamique burundaise demande à tous les musulmans de prier pour le pays. Aux commerçants, Haruna Hunduiga leur demande de ne pas spéculer en revoyant en hausse les prix des vivres. On l'écoute. D'abord, nous devons remercier le Tout-Puissant qui nous a fait parvenir à ce mois de Ramadan. Quant à la situation politico-sécuritaire et surtout économique que traverse le pays, qu'il y ait peu de moyens financiers ou même économiques dans le pays, ça ne change en rien quant à l'observance du jeûne du mois sacré de Ramadan. Mais je voudrais saisir cette occasion pour d'abord demander à tous les musulmans qui multiplie justement les recueillements et les implorations, les invocations auprès du Tout-Puissant pour que notre beau pays puisse recouvrir la paix, la sécurité, la tranquillité et que demain après demain nous puissions beaucoup plus nous atteler aux activités de développement plutôt qu'à nous entre-déchirer. Et je voudrais aussi saisir cette opportunité pour justement demander d'abord à ces musulmans et surtout penser à ces gens démunis, les plus nantis et les moyennement nantis doivent beaucoup plus penser à ces gens moins, beaucoup plus démunis, pour que aussi le moment venu de rompre le jeûne, ils puissent avoir justement de quoi mettre sous la dent. Mais aussi, nous devons nous pardonner mutuellement et dans nos invocations, beaucoup plus demander le pardon auprès du Tout-Puissant, pour qu'il nous pardonne tous nos péchés de toute une année, et que nous puissions, au-delà du mois sacré du Ramadan, justement, continuer à vivre dans la paix, la tranquillité, dans l'entraide mutuelle. Mais aussi, je dois dire que c'est une opportunité, justement, de jeter un regard rétrospectif pour voir ce qui n'a pas marché l'année qui vient de s'écouler, pour que nous puissions aller encore de l'avant, améliorer ce qui ne l'a pas été, et corriger ce qui aurait, disons, mal marché. Mais aussi, nous devons dire que c'est une occasion unique où nous devons servir d'exemple, un modèle justement à suivre et prier pour notre pays pour qu'il recouvre la paix et la sécurité et que les Burundais puissent s'atteler au développement dans la tranquillité. Sur la page éducation, 19 lauréats ont obtenu ce vendredi leur diplôme de master en journalisme complémentaire HR UNESCO. Jean-Berkimas Bizindavi, un de ces lauréats de la 5e promotion, salue la formation obtenue et demande à l'Université du Burundi de continuer la coopération avec ses partenaires et d'organiser des formations à l'étranger de ces lauréats. On l'écoute. Je pense que la formation en master était nécessaire parce que nous avons été formés par des Burundais, mais aussi par des étrangers qui ont des connaissances variées et qui ont des connaissances et aussi des expériences qui nous ont permis d'avoir un ajout par rapport aux connaissances qu'on avait avant. Et nous demandons à l'Université du Burundi de continuer la coopération avec ses partenaires, notamment ces Belges qui ont aidé l'Université du Burundi à organiser cette formation. Nous demandons aussi à l'Université du Burundi d'organiser même des stages de ces lauréats ou bien des étudiants dans d'autres pays pour qu'il y ait échange d'expériences et pour que les étudiants puissent finalement savoir comment ailleurs ils traitent l'information. Ce programme de formation en journalisme prendra fin l'année prochaine. Le professeur Alexandre Atungimana, responsable de cette formation, salue les résultats obtenus en 10 ans et recommande au gouvernement burundais et l'Université du Burundi d'étudier les voies et moyens de pérenniser cette formation si besoin il y a. Et quand on s'est mis à table pour discuter de la mise en place de ce master en journalisme, on devait le faire par étapes. C'est vrai, c'est la coopération belge nous a approché, l'Université du Burundi nous a approché. Et dans un premier temps, c'est un projet qui a été mis en place en 2010. Et c'était convenu qu'on allait jusqu'en 2014. Donc c'est une période de 5 ans. Mais compte tenu des bons résultats atteints, puisque au moins annuellement, nous avions une vingtaine de lauréats, de journalistes, qui sortaient avec les diplômes, la coopération belge a finalement fait l'évaluation et a dit « bon, pourquoi pas ?» Puisque déjà le Burundi a besoin de journalistes dans une démocratie naissante et dans un contexte de sortie de conflit, c'est normal qu'il y ait des journalistes bien formés. C'est ainsi que d'ailleurs, moi j'ai été en Belgique en 2013 pour nous convenir avec les partenaires sur la reconduction du programme. C'est ainsi que le programme a été reconduit encore sur une période de 5 ans. Et maintenant, vous faites la petite comptabilité de 2014 à 2018, on en a déjà fait les 5 ans. Donc, ce n'est pas une coïncidence avec la crise de 2015, ce n'est pas la coïncidence avec des problèmes de coopération, c'était prévu ainsi. Et pour la suite, je crois qu'on aura l'occasion d'en parler avec les responsables de l'université, qui sont les premiers interlocuteurs du gouvernement. On fera le point. Si légèrement le programme se justifie dans le contexte des réformes actuelles à l'université du Burundi, et que l'université juge que ce programme mérite d'être appuyé, je ne vois pas pourquoi le programme ne pourrait pas continuer indépendamment, ou pas nécessairement indépendamment, c'est-à-dire que l'université, le gouvernement du Burundi prend ses responsabilités. C'est une question de stratégie qu'il faut définir. Professeur Alexandre Atungimana, il est responsable du programme de formation en journalisme complémentaire. Sur la page agriculture, la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Muyinga incite les producteurs de haricots de conserver les récoltes dans les hangars de stockage des récoltes. C'est au moment où sur le marché des commerçants offrent par endroit aux petits cultivateurs entre 500 et 800 francs burundais par kilo, alors que lors de la saison culturelle, le kilo s'achetait au prix double. Dieudonné Nzeyimana, correspondance. En cette période de récolte du haricot, les petits cultivateurs qui vendent le haricot ici et là ne perçoivent qu'entre 500 et 800 francs par kilo. Prix très bas, reconnaissent les producteurs, mais sans marge de manœuvre pour se procurer d'autres produits tels les habits, huile et sel. Roger Sendegeya, directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Muyinga, parlait de gaspillage de la récolte de la part de certains cultivateurs, oubliant que le coût du haricot oscillait autour de 1 500 francs lors de la préparation de la saison culturelle et que bon nombre d'entre eux ont été assistés pour trouver les semences. L'appel lancé par son directeur est que les récoltes soient stockées dans les hangars et érigées dans les communes. Des hangars fonctionnant à l'instar des banques de dépôt. Le déposant de la récolte peut la récupérer à volonté, moyennant quelques kilos comme taux de tenue de compte en faveur des gestionnaires et gardiens de ces hangars. Dans ces conditions, les producteurs sont à l'abri des voleurs. Dans certaines communes telles Buinouza et Nakiro, le crédit ou avantage offert par les coopératives agricoles permet aux petits cultivateurs d'avoir de l'argent pour rembourser plus tard lorsque les prix ont regrimpé sur le marché. Une nouvelle approche de gestion des risques agricoles. Dieudonné Nzeyimana, de Muyinga pour la radio Isanganiro. Merci à Dieudonné Nzeyimana. De Muyinga, nous nous rendons à Bubanza, où les marchandises et surtout les vivres transportés vers d'autres provinces en provenance de cette province doivent être limités et les transporteurs doivent disposer des feuilles de route signées par le gouverneur de cette province. Tarsis Niyongabo, qui a pris cette mesure, explique que c'est pour éviter que toutes les récoltes soient évacuées vers d'autres marchés. Les commerçants et cultivateurs, quant à eux, demandent au gouverneur de revoir cette mesure. Les détails avec Spes Caritas Kabanyana. Une feuille de route signée par le gouverneur de la province de Bubanza sera désormais exigée pour les véhicules qui transportent les marchandises, surtout les vivres comme le haricot, le riz, le maïs et autres en provenance de Bubanza vers d'autres provinces ou vers d'autres pays. Tarsis Niyongawo, gouverneur de Bubanza, explique que cette mesure va aider pour éviter le gaspillage des récoltes qui risquent d'être évacuées vers les marchés et ensuite la disette, comme ça a été le cas au début de cette année. Un commerçant qui voudra alors demander cette feuille de route devra expliquer pourquoi il veut transporter ses marchandises ailleurs, la direction qu'il va prendre et la destination. les forces de l'ordre, en collaboration avec l'administration, sont appelés à bien vérifier et contrôler tous les véhicules de transport et leurs marchandises. Cependant, les commerçants cultivateurs n'ont pas bien accueilli cette mesure qu'ils qualifient d'injuste. Ils expliquent qu'ils cultivent à l'aide des crédits bancaires et qu'ils doivent, à la récolte, chercher des points de vente partout, même à l'extérieur du pays, afin de pouvoir chercher des bénéfices. Ils demandent alors la révision de cette mesure qui risque de les conduire en faillite, comme ils le disent. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci à Spes Caritas Kabanyana. La police de Moaro, en collaboration avec les comités mixtes de sécurité, ont saisi ce samedi deux camions pleins de café cerise et pesant 17 tonnes. Selon la police, ce café provenait de la commune Eburambi de la province Rumonge. Sur la page culture, clôture du FestiCab ce vendredi 26 mai après une semaine de projection dans différentes salles de Bujumbura et de l'intérieur du pays. Cette 9e édition a été d'un grand succès. Christian Savier nous fait revivre l'événement. Court-métrage, les nominés sont Viral. La 9e édition du Festival de l'audiovisuel et du cinéma du Burundi a récompensé les meilleurs films documentaires et fiction, longs ou courts-métrages, catégories internationales, régionales et nationales. L'Afrique était au rendez-vous. Dans la catégorie de l'Afrique de l'Est, court-métrage, le prix du meilleur film est attribué à A Place of Myself, de Marie-Clémentine Dusabe-Jambo du Rwanda. Le moment tant attendu était celui de la catégorie nationale. Dans la catégorie nationale court-métrage, le prix du meilleur film est attribué à Viral de Ragahiye Irine. Florian Ifacha, il est producteur, réalisateur, animateur de dessins animés et acteur, a décroché le meilleur prix catégorie nationale. Il nous parle de son film. Le film s'intitule Viral. Le film relate la vie d'un chanteur passionné mais qui n'a pas les moyens de vivre de sa passion et sa carrière. Et à travers le film, on le voit souffrir, avoir le manque d'argent, douter de lui-même. Au moment où une vidéo seulement prise par sa copine se retrouve sur YouTube et devient internationale. Et je suis un artiste ici au Burundi et je sais le nombre de challenges que je rencontre. Et à partir de la vie d'autres personnes que je voyais, je me suis dit, ok, puisque je ne pouvais pas faire un long métrage, j'ai dit, ok, on écrit un court métrage. Et ok, ça ouvre les portes sur votre CV, tout d'abord. Quand je vais mettre le film dans d'autres festivals, et aussi ça peut passer facilement aussi quand les télévisions veulent acheter le film. La plupart de fois, ils sont passionnés, il y a des gens qui font ça, et qui font ça même quand ils ne gagnent rien du tout. Mais la plupart des fois, c'est qu'ils doivent aussi gagner leur vie. Et c'est un manque d'argent, c'est que vous voyez, donc ils arrêtent, ils abandonnent. On se décourage facilement en fait. La grande surprise inoubliable dans cette 9e édition est la marraine du FestiCab. Elle a chanté une berceuse en Kirundi. C'est sur cet élément culturel que nous bouclons son journal. Merci de l'avoir suivi. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. Nous débutons cette revue de presse par l'éditorial de l'hebdomadaire Iwachu qui revient sur le dernier sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine. Tout le monde avait tourné les yeux vers ce 18e sommet pour y attendre des solutions miracles à la crise qui mine le pays. À l'issue de la rencontre, poursuit notre confrère, deux opinions semblent dominer les politiques. Bujumbura jubile de la position de l'EAC qui a compris que le Burundi est victime d'une vaste campagne de fabrication et mensonges menée par ses détracteurs. L'opposition, quant à elle, se dit déçue et consternée. Elle déplore l'incapacité des chefs d'État de l'EAC d'imposer à Bujumbura le respect de l'accord d'Arusha et au journal d'écrire dans un titre « Après les beaux discours, la réalité ». Nos politiques devraient bien décrypter le message du dernier sommet de l'EAC pour comprendre que la solution au mal burundais viendra des Burundais eux-mêmes. L'administration de la province de Bubanza fait sa toilette administrative, titre l'agence Net Press. Elle écrit qu'au moins 4 chefs de zone de la commune Musigati ont été destitués en moins d'un mois au moment où 2 chefs de colline ont subi le même sort dans cette même commune, une mesure qui risque également d'affecter la commune de Manda. Le gouverneur provincial de Bubanza, cité par l'agence, indique que ses responsables ont commis des fautes diverses qui ne sont pas de nature à laisser indifférent tout responsable. L'agence en ligne fait savoir également que d'autres chefs ont été destitués pour complicité dans l'extraction du coltan et dans la vente des boissons prohibées. Le journal La Voix de l'enseignant écrit sur l'insalubrité qui menace la santé humaine autour de l'école Stella Matutina au centre de Bujumbura. Là-bas, les kiosques abandonnés en chantier sont devenus des lieux d'aisance publique. Les passants à cet endroit se pincent le nez pour ne pas sentir l'odeur nauséabonde qui se dégage. Les enseignants, les élèves et les personnes qui travaillent aux alentours, inquiétés pour leur santé, demandent au service de l'urbanisme de démolir ces constructions non achevées ou de laisser leurs propriétaires les parachever et les occuper. Contrairement à ce qui se fait ailleurs, lorsqu'il s'agit des constructions hors normes, renchérit la voix de l'enseignant, cette suspension n'a pas été suivie par la démolition. Ça fait plus d'une année que les services de l'urbanisme ont suspendu la construction des échoppes tout autour de la clôture de l'école fondamentale Stella Matutina. Comme les toilettes publiques font défaut, les gens n'hésitent pas à se soulager dans ces constructions. Revue de la presse. Ils se lamentent pour trop de cotisations. La voix de l'enseignant parle ici des enseignants de Kirundo qui sont appelés à contribuer pour la construction d'une permanence du parti au pouvoir et d'un stade moderne. L'enseignant qui ne cotisait pas n'a pas droit à une attestation de service ou tout autre document de la part de son directeur d'école. Les enseignants estiment que ce sont des droits qui sont bafoués. Lors des réunions pédagogiques, et selon toujours le journal, les directeurs des écoles rappellent aux enseignants qu'ils sont redevables d'une somme de 10 000 francs burundais comme contribution pour l'érection de ces deux infrastructures. Coup de chapeau à la Brarudi. C'est un compliment de la part du magazine Burundi Echo. Il écrit que son nouveau produit, Amstel Royal, vient de marquer des points en l'honneur du pays. Elle a en effet remporté une médaille d'or dans le concours international Monde Selection de Bruxelles. À moins d'un an d'existence, cette bière qui n'existait qu'au Burundi a pu séduire les dégustateurs internationaux rien que par sa qualité, son goût. Cela fait rêver à un avenir meilleur pour l'entreprise, soutient Burundi Echo qui renchérit, je cite, « aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années ». Les enfants en situation carcérale sollicitent plus d'attention. L'agence burundaise de presse revient ici sur les propos de la directrice de la prison centrale de Ngozi au Nord, l'unique établissement pénitentiaire qui accueille des femmes et des mineurs condamnés de tout le pays. Elle dit que 21 nourrissons vivant avec leur mère incarcérés dans cette prison pour femmes exigent plus d'attention de la part des pouvoirs publics et des bienfaiteurs. Ces nourrissons se heurtent à plusieurs difficultés selon l'ABP. Ils sont privés de liberté sans avoir commis de crime. Ils se voient privés de leurs droits les plus élémentaires, dont celui de vivre en famille, avec tous les avantages qu'offre cette institution extrêmement indispensable pour l'épanouissement intégral de l'enfant. Des nourrissons qui ne reçoivent rien comme aliment de supplémentation pour leur croissance. La ration qui leur est destinée est celle des autres adultes vivant en incarcération dans cette maison de détention. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de la presse. Au micro, vous étiez avec Léonce Bitalio. Excellent week-end chez vous. À la prochaine. Revue de la presse.